Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Eh bien, bien le bonsoir, bonjour, pardon, à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Et au programme de cette émission, ben, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler tout simplement du groupe Foreigner avec l'album 4, l'album 4, si vous préférez, de Foreigner, qui était sorti au mois de juillet 1981. Dont on retire un véritable tube, vous verrez, vous en souviendrez, et vous allez même dire « Waouh, on a dansé sur ça, je m'en souviens comme si c'était hier ». Alors juste avant de commencer, vous parler un petit peu de qui est Foreigner, les groupes, les membres du groupe et l'album 4, on va s'écouter comme d'habitude un titre de l'album, le titre d'ouverture de cet album, donc l'album 4, donc de Foreigner. On va s'écouter Nightlife de Foreigner. Ne changez rien, vous êtes bien sur RQC 95 FM avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Alors, donc, comme vous avez pu le constater pour les fins connaisseurs, avec la voix de Lou Gramm, hein, donc je vous dirai un peu comment, qui est Lou Gramm et tout ça, donc tout au long de l'émission. Donc, Foreigner est un groupe de rock anglo-américain formé à New York en 1976 par deux guitaristes anglais expérimenté, Mike Jones, anciennement des Spooky Tooth, et Ian McDonald, ex-membre du groupe King Crimson and McDonald and Jail, ainsi qu'un chanteur américain jusqu'alors inconnu, Lou Gramm. À ce jour, le groupe a vendu plus de 120 millions d'albums à travers le monde, dont 37,5 millions aux États-Unis, ce qui fait de ce groupe l'un des meilleurs vendeurs de tous les temps. Leur plus grand tube reste Waiting for a Girl Like You. Hot Blooded, Jukebox Hero, Urgent, Break It Up et également I Want to Know What to Love Is, qui est paru lui en fin 1984. En 2008, après 14 ans d'inactivité en studio, le groupe Foreigner revient avec une compilation No End Inside, The Very Best of Foreigner, et un nouveau titre Too Late. Comme le titre de la compilation pouvait le laisser entendre, No End Inside signifie pas de fin en vue. Donc c'est vrai, parce qu'ils sont passés au Hellfest même cette année, oui. Un nouvel album paraît le 29 septembre 2009, Can't Slow Down. Après, je vais vous parler de Lou Gramm, hein, comme je vous ai dit. On vous parlera aussi de Mike Jones. Je vous parlerai aussi de Richard Williams, Ricky Wills. Et bien entendu aussi de la genèse de cet album fort qui est... tout au long de cet album qu'on écoute du début à la fin, on apprécie énormément, car tous les titres de cet album, enfin pratiquement tous les titres, sont des incontournables à avoir dans sa CD tech, comme on peut dire comme ça. Allez, on va s'écouter un autre titre de Foreigner, un gros titre qu'on apprécie de voir même en concert, même si moi j'ai eu l'occasion de les voir en concert avec une petite déception quand même. C'était la tête d'affiche et ils ont joué beaucoup moins de temps que les groupes d'ouverture, donc c'est un peu décevant. Mais quand ils ont entamé le titre que je vais vous jouer, qui s'appelle Jukebox Hero, et ben on avait vraiment les deux gros jukebox qui se gonflaient de chaque côté de la scène, et le public était fou quoi. Et le premier groupe qui joue en première partie à cette époque là c'était à Forêt Nationale, je me souviens bien, et c'est les Doobie Brothers avec le fameux titre All Right Now, que vous connaissez bien entendu, mais qu'on ne vous jouera pas aujourd'hui. Alors là, on va s'écouter Foreigner avec Jukebox Heroes. Backstage, les coulisses du son. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Secondhand store. Voilà, donc deuxième extrait de l'album For the Foreigner, donc Jukebox Heroes. Ça monte bien en crescendo, j'adore ce titre. Alors, Lou Andrew Grammatico, dit Lou Gramm, né le 2 mai 1950, est un chanteur de rock américain et auteur-compositeur plus connu pour son rôle en tant que chanteur et co-auteur de la plupart des chansons pour le groupe Foreigner. Lou Gramm est le chanteur de 40 hits incluant Cold Eyes, Waiting for a Girl Like You, Urgence, I Don't Know Why Love Is, Midnight Blues, et il compte John Lennon, Marvin Gaye, Steve Marriott, Paul Rogers et Wilson Pickett dans ses influences. Avant Foreigner, Lou Gramm est né à Rochester, New York. Il a commencé sa carrière musicale dès son adolescence, jouant dans des groupes locaux, y compris Rochester St. James à Infirmary et PHFFT. Un an plus tôt, Lou Gramm rencontra Mike Jones, qui deviendra plus tard son collègue. Tout de suite après, je vous parlerai un petit peu de Mike Jones, où il y a beaucoup plus à dire sur Mike Jones. Et là, on va encore s'écouter un titre de l'album Four de Foreigner qui s'appelle Breakaway. C'est le troisième de la plage. Moi, ce que je peux aussi dire sur cet album Foreigner, quand on le voit au départ, maintenant, quand on voit un petit peu les artworks, donc les artworks, c'est les pochettes d'albums, on se dit, ben, ce serait plutôt une. Si on ne connaît pas ce groupe Foreigner, on pourrait classer cet album dans la BO, dans la musique de film. Pourquoi ? Parce qu'on voit vraiment le décompte d'une projection, hein. 5, 4, 3, 2, 1, et ça s'arrête au 4, bien entendu, sur la pochette. Donc on pourrait se dire plutôt, ça fait peut-être partie d'une BO, mais non, c'est l'album 4 de Foreigner, et vous allez comprendre pourquoi quand je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'album 4. Alors, Breakaway, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec Foreigner, donc troisième extrait de cet album. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. ce genre de musique dont on appelle ça du hard rock ou du rock ou de l'AOR. Tout simplement, c'était Foreigner, troisième extrait de l'album Four avec le titre Break It Up. Alors, on va parler de Mike Jones, donc son nom est Michael Leslie Jones. Il est né le 27 décembre 1944 à Portsmouth. Est un guitariste, compositeur et producteur britannique connu notamment comme guitariste de Spooky Toots et de Foreigner. Mike Jones commence sa carrière musicale fin 1960 en tant que membre du groupe Nero and the Gladiators. Le groupe produit deux singles qui eurent un succès anglais mineur en 1961. Après la dissolution du groupe, Mike se rend en France. Il obtient le poste de guitariste de l'orchestre d'Eddie Vartan et à la même période, il collabore également avec la sœur cadette de ce dernier, Sylvie Vartan. Puis de 1965 à 1974, Mike Jones est le guitariste attitré de Johnny Hallyday. Il accompagne le rocker français sur scène jusqu'en 1970 et collabore avec lui sur le disque jusqu'en 1974. Il n'est pas uniquement instrumentiste pour Hallyday, mais aussi compositeur d'une trentaine de titres souvent écrits en collaboration avec le batteur de Johnny, Tommy Brown, avec qui il partage la tâche de chef d'orchestre. Plus tard, il se joint à Gary White, ancien du groupe Spooky Toots, pour former Wonderwheel. En 1973, Jones et White reforment Spooky Toots de You Broke My Heart, So I Busted Your Jam en 1973 à The Mirror en 1974. Après cela, Jones fut membre de Leslie West Band. Il joue également sur les albums Ride of Change en 1972 pour Peter Frampton et Dark Horse en 1974 pour George Harrison. Je continuerai après sur Mike Jones. Je vous ai dit, il y a un peu beaucoup plus à dire sur Mike Jones. Ben voilà, maintenant vous savez, si vous ne le saviez pas, que Mike Jones, a participé aux albums de Hallyday, a écrit certains titres dans la période Hallyday de 70 à donc de 1970 à 1974 et a travaillé aussi avec Sylvie Vartan. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est le quatrième, c'est le, on va dire, le plus connu de Foreigner. À l'époque, en 80, on ne pouvait pas y réchapper quand on allait dans les soirées dansantes, dans les bals, parce qu'à l'époque, ça existait encore des bals de village. Ou à un moment donné, ben, quand c'était les séquences tendres et sentimentales, joue contre joue, sexe contre sexe et on oublie tout, c'était la fameuse ballade Waiting for a Girl Like You. Je suis persuadé que vous avez emballé, ou que vous avez été emballé, hein, tout simplement, sur ce tube interplanétaire de Foreigner à l'époque, et même maintenant encore quand on le joue, on voit encore, même dans des soirées ou des mariages, on se permet encore de passer cette balade qui est vraiment magnifique, Waiting for a Girl Like You. C'est le quatrième extrait de Foreigner, extrait de l'album Four. En couleur, en concert, sur RQC. I've been looking too hard at Donc c'est le quatrième extrait donc de cet album magnifique, hein, pharaonique de Foreigner, hein. Rating for a Girl Like You, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune, beau et fort, voilà, 1981. Alors en 1976, il forme Foreigner avec Ian McDonald, là je vous parle toujours de Mike Jones bien entendu, hein. Membre fondateur et âme du premier album de Kim Crimson et le chanteur recruté pour l'occasion est Lou Grams, donc Monsieur Lou Andrew Grammatico. Jones coproduit tous les albums du groupe et coécrit la plupart de leurs chansons avec Grams. Des tensions se développent au sein du groupe durant des années 80. Avec la principale cause, les différents des goûts musicaux entre Grams qui préfère un rock dur et tranchant et Jones plus porté vers les synthétiseurs. Donc c'est ce qu'on a bien entendu surtout sur la Rating for a Girl Like You, où on entend vraiment le clavier qui arrive doucement et puis s'ajouter à la chanson. Donc quand on regarde les crédits, ben on voit bien que Monsieur Jones est derrière tout ça. Donc Lou Grams quitte le groupe en 1989 pour y revenir en 1991. En 1984, il écrit la chanson I Wrote No White Lovies pour Foreigner, qui se révélera un réel succès. Donc c'est vraiment la deuxième grosse ballade de Foreigner, hein. On pourrait les mettre l'une à la suite de l'autre, et je suis sûr et certain que les personnes ne quitteraient pas la piste de danse, bien au contraire, ou à moins qu'ils la quitteraient s'ils ont pu emballer, mais ça c'est une autre histoire. En 1989, Jones réalise son unique album solo nommé simplement Mike Jones sur le label Atlantic Records, sur lequel on retrouve entre autres un Billy Joel, Carly Simon, Simon Kirk de Bad Company et Dennis Elliott de Foreigner. La même année, le guitariste collabore avec Eric Clapton pour le disque de ce dernier, Journeyman. Il écrit les paroles de Bad Love, chanson composée et interprétée par Clapton. Phil Collins est à la batterie et Pino Palladino à la basse avec Bad Love. Clapton reçoit le prix Grammy de la meilleure interprétation vocale masculine de rock de l'année suivante. Donc l'année suivante, ce fut 1990, bien entendu. Tout de suite après, je vous parlerai de Richard William, donc dit Rick Wills, qui est le bassiste de Foreigner, que je dise pas de bêtises. Ça fera plaisir à notre ami et président Rico, qui est bassiste à ses heures perdues. Alors, on va s'écouter donc le cinquième titre de cet album fort de Foreigner, qui n'est autre que Luan. donc de Foreigner. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Voilà, donc si vous n'avez pas pu retenir ce titre, hein, ben, c'est tout simplement Louen, il le répète assez souvent, Lou Grams. Alors, Richard William Rick, alias Wills, donc Richard William Wills, est un bassiste de rock britannique né à Londres en 1947, le 5 décembre plus précisément. Il est reconnu pour avoir joué avec Peter Frampton, The Small Faces, David Gilmour et Foreigner. Il commence sa carrière en 1961 à Cambridge alors qu'il joue avec des formations locales dès 1961 avec The Viking ainsi que d'autres groupes, The Sundowner et Soul Committee. Puis il rejoint les Joker Wild en 1966 avec David Gilmour à la guitare. Ça devait être vraiment phénoménal, Gilmour à la guitare, mais enfin, bon, ça c'est autre chose. À la guitare donc, et au chant, et Willie Wilson à la batterie. Ensuite, il est sur les trois premiers albums, l'album solo de Peter Frampton qui vient de quitter Humble Pie. Par la suite, il se joint à Roxy Music en 1976 et joue la même année sur un album de l'ex-Soft Machine Kevin Ayers, puis avec les Small Faces de Steve Marriott en 1977. L'année suivante, il retrouve David Gilmour sur son album solo éponyme, sur lequel il est aussi l'ex-batteur de Joker Wild, Willie Wilson. Il sera aussi de la tournée subséquente pendant les années 80. Il fait partie de Foreigner, avec lequel il reste pendant 14 ans. Je terminerai avec lui tout de suite après. Là, on va s'écouter un autre titre de Foreigner. C'est quand on retournait le vinyle, tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup du vinyle. En 1981, le CD venait d'apparaître. On s'en souvient, avec le premier CD qui avait été pressé, si mes souvenirs sont bons, c'est, je ne dis pas de bêtises, Dire Straits, si mes souvenirs sont bons. Je ne veux pas dire de bêtises. Et là, on va s'écouter, donc on retournait le vinyle, on se mettait en face B, et on partait sur le titre Urgent de Foreigner. C'est parti. Bye. Voilà donc, c'est vraiment le titre que j'affectionne quand je vois Urgin avec la partie saxophone qui arrive comme ça. Waouh. Il fallait oser, ils l'ont fait et ça donne vraiment vraiment bien, je peux vous le garantir. Donc on continue donc avec notre bassiste Rick. Puis durant les années 90, il rejoint Bad Company pour lequel il remplace Boz Burrell jusqu'au retour de ce dernier en 1998 et en 1999. Il prend brièvement la place de Leon Wilkinson au sein de Lynyrd Skynyrd. Lorsque ce dernier éprouve des problèmes de santé, le 24 avril 2001, il est apparu au Steve Marriott Memorial Concert avec Bobby Tetch, Rabbi Bundrix et Zach Starkey afin de célébrer la musique du regretté Steve Marriott. Il se retrouve ensuite avec l'ex-batteur de Small Faces, Kenny Jones, dans le groupe The Jones Gang en 2006, puis avec The R.D. Crusader pour la Fondation contre le cancer des adolescents au Teenage Concert Trust au London International Music Show le 15 juin 2008. Finalement, le 12 janvier 2015, il rejoint sur scène le batteur Dennis Elliott avec Foreigner afin de jouer la pièce Hot Blooded. Alors, tout de suite après, je vous parlerai du fameux album Foreigner, l'album Four, bien entendu. Donc, c'est l'album dont on parle aujourd'hui. Avant de commencer, je vous donnerai d'abord des titres pharaoniques de cet album, notamment. Je vous donnerai un petit peu dans quelques pays combien est-ce qu'ils ont vendu d'albums. Hein. Comme ça va vous donner une idée. Et je vous donnerai un peu si c'était de l'or, du platine ou quoi, vous allez voir. Et après on commencera. Il n'y a pas grand chose à dire à part les singles et pourquoi cet album Four. Et puis je vous donnerai comme d'habitude, si vous désirez acquérir d'autres albums de Foreigner qui sont tous bons d'ailleurs, hein, je vous donnerai quelques références d'albums. Là on va s'écouter I'm Gonna Win de Foreigner qui est le 7e extrait de cette album. Backstage, les coulisses du son. City and my prospects looking thin. Voilà donc qui était le septième extrait, I'm Gonna Win de Foreigner. Alors je vous avais promis, je vais vous parler de quelques titres, quelques chiffres. En Allemagne, ben, ils ont vendu quand même, il a fait plus de disques de platine, donc plus de 500 000 exemplaires. En Australie, platine avec plus de 70 000 exemplaires, tout dépend du pays. Canada avec 4 fois disques de platine, donc 400 000 exemplaires x 4. États-Unis, 6 fois disque de platine, là vous comptez 6 millions d'albums, donc vous faites x 6. Hein. France, disque d'or avec 100 000 exemplaires. Et Royaume-Uni, platine avec 300 000 exemplaires. Alors, quand je vous disais. Foreigner, pourquoi l'album fort? Pourquoi l'album 4? Tout simplement parce que c'est le quatrième album de Foreigner, vous deviez vous en douter. Toutes les chansons étaient composées par tous les membres du groupe. Donc là, on retrouve un peu la patte un peu de Mike Jones, pas Michael Jones, ça c'est autre chose. Mike Jones, lui qui voulait inclure plus de synthétiseurs, on l'entend, là on l'a encore entendu sur I'm Gonna Win et sur Waiting for a Girl Like You. Et donc, cet album, c'est quand même hissé. Ils ont participé avec 4 musiciens et non plus comme ils étaient avant à plusieurs. C'est la première fois qu'ils faisaient la formule 4 à 4. Donc, en plus de ça, donc quatrième album, travaillé à 4. Donc, voilà pourquoi ça regroupe le chiffre 4, tout simplement. Il faut savoir que cet album, il a été quand même classé numéro 1 au Billboard 200 et il a été réédité en 2002. Avec 2 titres supplémentaires qui incluent donc l'album fort avec comme titre supplémentaire tout simplement Jukebox Hero là, en version unplugged et Waiting for a Girl Like You en unplugged aussi. Voilà. Donc, faut savoir aussi que cet album, il est sorti le 4 juillet 1981. Il est sorti sur le label Electric Lady Studio. Non, il a été enregistré au Electric Lady Studio à New York. Il dure 41 minutes 56, court mais efficace. Faut pas faire des trucs trop longs, des fois c'est et bâclé. C'est du genre, donc on joue du hard rock, de la OR, du rock. Il a été produit par Robert Jones, Mutt, Lange et Mike Jones, et c'est sorti sur Atlantic Records. Juste avant de vous parler des singles qui étaient sortis, on va s'écouter Woman in Black de Foreigner. En couleur, en concert, sur RQC. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Woman in Black. Alors, les musiciens sur cet album, comme je l'ai dit, sont quatre. Lou Gramm au chant et à la percussion, Mike Jones, guitare, clavier et chœur, Rick Wills à la basse et au chœur, et Dennis Elliott à la batterie et au cœur. Alors, les titres de cet album, bah, c'est Nightlife, Jukebox Hero, Break You Up, Waiting for a Girl Like You, Luann, Urgence, I'm Gonna Win, Woman in Black, Girl on the Moon et Don't Let Go. Alors, je vous avais dit, hein, je vous parlerai des singles qui sont sortis. Hein. Le 22 juin 80, il y avait Urgin. En septembre 80, Waiting for a Girl Like You. Jukebox Heroes, le 21 janvier 82. Break It Up, le 11 mai 82. Et Luann, le 28 août 1982. Là, juste avant de s'écouter, je profite pour faire un petit coucou au Slasher qui nous écoute aussi et qui adore l'émission, ça vous fait plaisir et j'espère que vous aussi vous adorez l'émission, vous êtes bien branchés sur Backstage avec The Scream. Alors si vous voulez vous faire la discographie de Foreigner, bah, n'hésitez pas. En 1977, l'album Foreigner. En 1978, Double Vision. En 1979, Hat Game. En 1980, bien entendu, l'album Form. En 84, Agent Provocateur avec la fameuse chanson Say You Will. En 87, Inside Information. En 91, Usual Hurts. En 94, Mr. Moonline. Et en 2009, Ken Showdown. Voilà. Donc après, il y a eu beaucoup de compilations aussi sur Foreigner. Là, nous, on va s'écouter le dernier titre pour aujourd'hui, qui est Girl on the Moon. Nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Je ne sais pas avec quoi. On improvise comme ça à chaque fois. Au début de semaine, on se dit, bon, on va vous jouer ça ou ça, des choses un peu moins connues. Même si ça touche un peu le rock, ben voilà, aujourd'hui, on a touché un peu du rock, du hard rock. Mais vous avez pu vous rendre compte que même là, il y avait quand même des musiciens qui ont participé et qui ont joué avec Sylvie Vartan, qui ont joué avec Johnny Hallyday. Je prends un exemple, je pourrais aussi bien prendre un album de Bon Jovi, ce que je ne ferai pas tout de suite. Et ce monsieur John Bon Jovi, s'il y a des personnes qui ne le savent pas, il a composé aussi pour Johnny Hallyday. Voilà. Donc j'aime bien un peu d'essayer de vous faire découvrir des choses et d'embellir un peu vos connaissances. Et vous, si vous pouvez aussi avoir vos coups de cœur, vous pouvez envoyer sur Backstage. Oui, j'aimerais bien qu'on parle d'un tel artiste ou quoi, ça ferait plaisir. Voilà quoi. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. C'était Scream pour l'émission Backstage. Backstage consacré aujourd'hui à Foreigner, sorti en 1980, l'album Fort. Et on se quitte, les amis, avec Girl on the Moon. Ciao et restez bien branchés sur RQC 95 FM. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Des infos, des invités. Ce sera musclé. Mais dans la bonne humeur. Même les voisins en redemandent. Il y a du monde chez Léon. Jusque 13h, il y a du monde chez Léon. Salut à tous, c'est Léon, bonjour.